Banque commerciale congolaise, Bengi BCC, les amis banques et Nabiso. Yo entrepreneur, commerçant, paix, artisan, yo salarié. Bon, la opération, yo sommes mon sali à BCC, Azali à disposition, Nabiso. Fumons la compte de banque pour l'économie, Nayo, et pour lui qui s'aille, Nathan, mon coquet, compte de l'épargne économique pour l'avenir la banane yo, belle famille mobile. La dirigeant y a BCC, Basalampico, pour la bobo y a banque commerciale congolaise. Tambo la kumba chèque na yo, la poignon c'est un combo, au combo la BCC. Banque commerciale congolaise, Tobengi BCC, les amis banque na biso. Yo entrepreneur, commerçant, paix, artisan, yo salarié. Pour l'opération, yo sommes salariés à BCC, à Zali, à disposition, à Bissot. Fumons la compte de départ pour l'économie, na yo, et copie qui s'en a dans mon coquet. Compte de départ, économie pour l'avenir, à banana yo, paix, mes familles, mon bimbaé. Dirigeant à BCC, basse à la Picoé, pour la bomboye, banque commerciale congolaise. Tabo la Kumba chez Renayon, la moignon c'est à Congo, au Congo la BCC. Batana Brazzaville, agence AEB, Pointe Noire, agence AEB, Loubombo, Kaina, Weso, Oando Mosezo, Congo Mobima. BCC Azali la va correspondre à mon kiri mon viva. Fumbo la compte na yo, la BCC. Tata la Brazzaville, agence AEB. Pointe Mareo, agence AEB. Kubomo, Kaina, Weso. Oando Mosejo, Congo mon viva. BCC Azali la va correspondre à mon kiri mon viva. Fumbo la compte na yo. La BCC, banque à Congo, la Congo ma Congo na kai, la BCC, banque à Congo, la BCC, banque à Congo, la Congo ma Congo na kai, la BCC, banque à Congo. On a joué crédit na tonga na ko, la BCC, banque à Congo, mama, la Congo ma Congo na kai. Pas musicien à son instrument. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la caille. La BCC banque à Congo. La commerçant à salaba fait. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la caille. La BCC banque à Congo. La Moloni Bilanga na joie crédit. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la caille. La BCC banque à Congo. Gatison, gatison. On a joué crédit na tonga ndako. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la kai. La BCC banque à Congo. La musicien a son instrument. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la kai. La BCC banque à Congo. La commerçant a salaba fait. La BCC banque à Congo. La Congo ma Congo la kai. La BCC banque à Congo. La Moloni Bilanga na joué crédit. La BCC, banque à Congo. La musicienne a son bab instrument. La BCC, Baki à Congo. Kakobo, Bako, Bolangaï. La BCC, Baki à Congo. Kakomir, son assala, Baferé. La BCC, Baki à Congo. Kakobo, Bako, Bolangaï. La BCC, Baki à Congo. La Moloni, Bilangaï, Nazo, Crédit. La BCC, Baki à Congo. Son a sala va a ferrer.